a fim. Ça c'est juste pour toi. Fallait que je te fasse un truc. Yeah. À ma manière. Car c'est jamais trop tard. Celle-là est pour toi. La nuit de jeudi au vendredi 23. Mais ça c'est juste pour toi. Toi parti trop tôt là-bas. T'inquiète pas, dans mon cœur tu bats. T'es d'être mieux là-bas, sans ces tubas. Voilà, ça c'est juste pour toi. Parti trop tôt là-bas. Je vais t'écrire ça, tu manqueras. D'écrire sa vie qui marquera. Jeune orphelin durant la seconde guerre. T'y as souffert mais survécu, je suis fier. T'as dû faire cette guerre d'Algérie. Comme beaucoup tu n'as pas compris. Puis t'as vécu dans cette cité ouvrière. Bas salaire mais un jour ça s'accélère. Ça n'a pas l'air mais cet accident auparavant aurait pu t'emporter d'un coup de vent. J'aurais pas dû te connaître. Puis ça fait t'attendre dans ce couloir pour voir naître. Malgré ça t'es resté fort. Un rien pour toi pouvait être un effort. Sache que j'oublie pas ton rire immense, mais là ton absence nourrit le silence. 1, 2, 3, celle-là est pour toi. La nuit de jeudi au vendredi 23. Mais ça c'est juste pour toi. Toi, parti trop tôt là-bas. T'inquiète pas, dans mon cœur tu bats. T'es d'être mieux là-bas, sans ces tubas. Voilà, ça c'est juste pour toi. Parti trop tôt là-bas. Ces derniers mois, j'ai pensé à toi. Des allers-retours en tosto et chez toi. Je pensais pouvoir te revoir. Car chaque soir, je voulais y croire. Mais quand j'ai compris ton état, j'ai vu mon esprit qui s'arrêta. Je devais accepter l'idée de ton départ. Aujourd'hui, la mort nous sépare. Il t'a rappelé pour éviter que tu souffres. Alors d'un coup, secoue ton souffle. J'ai toujours adoré ta bravoure. Ta force va rester un moteur à mon parcours. J'ai toujours eu de l'amour pour ta simplicité. Repose en paix. Dès désormais, le ciel t'accueille. Famille en deuil, mon stylo pleure sur la feuille. 1, 2, 3, celle-là est pour toi. La nuit de jeudi au vendredi 23. Mais ça c'est juste pour toi. Toi, parti trop tôt là-bas. T'inquiète pas, dans mon cœur tu bats. T'es d'être mieux là-bas, sans ces tubas. Voilà, ça c'est juste pour toi. Parti trop tôt là-bas. Toi qui me verras même pas majeur. Pourquoi cette année tant de malheur. J'aurais voulu te voir fier de mon bac. Savoir je vais à la fac et t'écoutes ce rap de là-haut. Non, je t'oublierai, pas, ne t'en fais pas. Car je suivrai tous tes pas. T'as monté les échelons dans ton domaine à la SMN et moi je ferai la même. Ces semaines étaient dures, t'allais mourir. Comme cet enterrement qui t'a fait partir. Ici-bas t'auras eu le respect de chacun. Désormais je sais d'où je viens. Ultime hommage d'une personne si sage. On tourne une page sans oublier ton visage. Et dans la marge de toutes nos pensées qui vont s'enfoncer dans nos cœurs à tout jamais. Celle-là est pour toi. La nuit de jeudi au vendredi 23. Mais ça c'est juste pour toi. Toi, parti trop tôt là-bas. T'inquiète pas, dans mon cœur tu bats. T'es d'être mieux là-bas, sans ces tubas. Voilà, ça c'est juste pour toi. Parti trop tôt là-bas.